Bonjour madame. Oui, le gardien m'a dit, hein, le matin, il m'a dit, il y a la psychiatre. Donc, il m'a dit, si j'accepte, j'accepte madame. Voilà, vous voulez par rapport? Voilà, évaluer, voilà. Complètement, madame. Pour savoir que, d'accord. Pour la réinsertion, monsieur là. J'ai compris la question. Je dirai toute la vérité, madame. Sinon, ça sert à rien. Tu dois avoir une belle petite chatte. Pardon, excusez-moi, madame. T'as vu? Ça m'a échappé, excusez-moi, madame. J'ai du mal à retenir, tu sais, voilà, mes émotions complètement, là. C'est ça, c'est un défaut que j'ai, depuis tout petit. Excusez-moi, madame. Je suis innocent, complètement. Oui, mon dossier m'accable, je sais, madame, mais je suis innocent. Malgré les apparences, je sais, madame. J'ai pris perpète, hein, donc, de toute façon, autant se faire plaisir. Donc, l'ADN, pareil, c'est pas moi. C'est mon ADN, mais c'est pas moi. Comment il s'est retrouvé? C'est pendant la garde à vue, madame, je peux parler? Ils m'ont pris mon ADN, madame. Pourquoi on prend l'ADN des personnes? Et je l'ai vu, le flic. Je dis, viens là, toi, rends-moi mon ADN. Et c'est lui. Il est allé le foutre dans le cul de la gamine. Alors maintenant, c'est trop facile d'accuser les gens. Madame, pas un complot, c'est exact. Je sais ce qu'ils ont fait, madame. Mais les vidéos, pareil. Ils ont fait un moule de mon visage. On arrête les conneries? Comme dans Mission Impossible, comme Fantomas. Madame, wow. En plus, madame, il se trouve que je connais le responsable de ce massacre. J'en ai jamais parlé, parce que j'ai peur. Le gars a le bras long. Et, hein? Non, c'est pas une quenelle. Hein. Non, allez pas alourdir mon dossier. Hein. L'auteur de ce massacre, vous voulez que je vous le dise? Je suis en confiance, madame. Il s'agit d'Emmanuel Macron, madame. Et tu vois, je t'ai fait sourire, là. T'es plus jolie quand tu souris, madame. Même si ta gueule, c'est pas trop le truc, hein. Hein? Excusez-moi, madame, excusez-moi. Mais je me sens bien avec vous, ouais. Je suis complètement, là. Je me sens tout à fait. Je sais pas si de ton côté c'est pareil, mais il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. T'as déjà senti ta merde ou pas? Pardon, excusez-moi, madame. T'as vu? Tout de suite, j'arrive au sentiment. Moi, j'arrive pas à... Complètement, excusez-moi, madame. Excusez-moi, je sais. Mais c'est pas toujours qu'on a affaire à une jolie femme. Je sais où situe le bien et le mal. Le bien, c'est quand ça se passe bien. Et le mal, ben, c'est après. Enfin, c'est... ou pendant, faut voir, parce que... Je me souviens de la petite Chloé, je m'en souviens. Ben, comme tout le monde, madame, dans la presse, tout le monde a parlé de cette affaire. Dégueulasse, hein, complètement, madame. Moi, avec madame, je veux que je vous dise, moi, il y a la peine de mort. Je discute pas avec ces gens-là. Ah, c'est moi qui ai fait ça? Ah, j'ai ça sur le dos aussi? Non, j'ai pas. Je l'ai rencontré. Non, faut dire la vérité, madame. Bon, on dit, faut dire la vérité. J'ai rencontré Chloé, c'est vrai. Petite fille gentille, hein. Le cœur dans la main. Enfin, si, à un moment donné. Mais c'est des enfants, ils sont mal élevés, excusez-moi. On n'écoute pas. Madame, je peux parler? On suit pas les inconnus. On ne parle pas à un inconnu. L'autre, elle vient me voir. Elle dit, monsieur, vous savez où est la boulangerie? Pour moi, je suis en état de légitime défense. Peut-être j'ai un problème. Je ne sais pas, madame. Au moment des faits, si j'étais conscient, je ne sais pas, madame. Je ne sais pas, madame. Mais qui est fou, qui n'est pas... Madame, dans une société où t'as le président qui a épousé sa mère... Comment se repérer, madame? Peut-être, dans mon enfance, peut-être, je dis pas non. Faudrait chercher, ouais. Un élément déclencheur, peut-être, peut-être. Ah bon? Ça atténuerait ma peine, ça? Ben atténuer, madame. Personne n'atténue quand c'est moi. Là, je me retrouve à prendre perpète, moi. Si j'ai été agressé quand j'étais petit... Oui, j'ai été agressé. Non, j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié. Mais finalement, là, maintenant qu'on en parle, j'ai été agressé. Sexuellement, tout. On m'a tout fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Et j'avais quel âge? Que je dise pas de conneries. Coupe du monde 98. Faut avoir quel âge à peu près? Moins de 5 ans. Ah ouais, mais j'avais 3 ans. Donc, attends. Donc ça colle, hein. Ça colle complètement. Un voisin, il me violait tous les matins pendant. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et juste à côté, José, un portugais, je me souviens. Hein. Le gars était mécano, il était chez Renault parce qu'il avait, tu sais, voilà, le trou du cul recousu là. Et tous les matins, il me violait. Ben quand je partais à l'école, moi j'ai à 3 ans, je pars à l'école, moi j'ai ouais, faut y aller. Tout seul, ouais, déjà j'étais. Ben les parents, ouais, ils étaient pas sur le coup, faut être honnête. Hein. Ma mère, je picolais. Bon. Le père, il enculait les chats. Et donc. J'étais toi, tu vas faire repérer. Hein? C'est ça, je pars à l'école. Dans l'escalier. Le José, tu sais, il était malin, l'autre. Hein. Tu sais, il était dans un coin et puis il me voit. Ah, tiens, du salut. T'as pas une clope? Voilà, t'es un enfant, tu vois pas mal. Alors à l'époque, bon, je fumais des Malbiches. Je dis, tu veux une Malbiche? Et là, j'ai même pas le temps de sortir. Ah non, rien. J'ai rien compris. Hein. Il baissait mon froc, il me rangeait une clé de 17 dans la boîte à chocolat. Alors peut-être que c'est par rapport à ça que j'ai fait le con. Hein. Complètement, madame, c'est ça du jouir. Hein. Que voilà, après que j'aurais entraîné Chloé dans la cave. Je sais pas, madame. Vous posez des questions, mais faites les réponses, je sais pas, moi. Hein? Une pulsion? Ouais. De quoi? Le rangement? De quoi? Elle a crié. Je crois me souvenir que le consentement n'était pas établi à 100%. Mais... Démembré? Ah, c'est pas moi. J'ai pas démembré Clo-Clo, je m'en souviendrai. Moi, j'ai laissé Clo-Clo, elle est en parfait état. Ah ouais. Contrôle technique valable 5 ans. Moi, j'ai... Mangé! J'ai mangé la gosse! Non, mais qu'est-ce que... Ah, je m'en veux, noter. Je m'en... Oh, putain! J'ai bouffé la gosse! C'est dingue d'avoir faim comme ça, c'est fou quand même. En plus, il y avait une boulangerie à côté. Non, mais des fois, ça joue à pas grand-chose. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Bouffez la grosse, putain. Non, je recommencerai pas, madame. Hein? Ouais, je suis malade, faut me soigner, madame. Donnez-moi un Doliprane, hein? Merde, j'ai bouffé la grosse. Et les parents, ils sont au courant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, ça fait 2 ans. Et ils m'en veulent, non, les parents? C'est normal, attends, j'ai bouffé sa gosse. Donc. Il veut peut-être me tuer, le père, non? Ah ouais, mais il peut pas. On est dans un état de droit, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on fait pas justice soi-même, complètement. Il se croit où, l'autre? Ah non, il a beau retourner le truc dans tous les sens, il doit continuer à bosser, payer des impôts pour que je bouffe quelque part. Dites-lui qu'on a eu de la dinde à Noël, ça va lui faire plaisir. Mais dites-lui de se calmer aussi. Hein. Parce que haïr les gens comme ça, c'est pas bien. Hein. Ah, je le ressens. Psychologiquement, ça me fait du mal. Hein. J'ai des plaintes et tout. Hein. Donc, ouais, mais faut qu'il se calme. Hein. Parce que je sais qu'il a d'autres gosses à l'extérieur. Hein. Je menace personne. J'informe des gens, c'est tout. Si un jour je sortais, eh bien quoi? Si je recommencerais? C'est rien la question. Ça dépend si la boulangerie est ouverte.